La sonnerie de la récré est l'un des plus beaux bruits sur terre qui nous libère de la craie et nous permet de prendre l'air. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, c'est sûr. Dans la cour, je retrouve Bastien et ensemble, c'est l'aventure. Car lui et moi, on est copains. Un coin sous les marronniers, quelques petits sont regroupés. À la grande école depuis peu, ils ont 6 ans et c'est sérieux. Sur un circuit imaginaire, des voitures extraordinaires leur font oublier en douceur genoux écorchés et gros pleurs. La sonnerie de la récré est l'un des plus beaux bruits sur terre qui nous libère de la craie et nous permet de prendre l'air. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, c'est sûr. Dans la cour, je retrouve Bastien et ensemble, c'est l'aventure. Car lui et moi, on est copains. Plus loin sous le préau, des CE1 rêvent tout haut de chansons folles et endiablées pour rythmer les cordes à sauter. Et quand elles se sont envolées, que tous les mots sont emmêlés, dans un grand bruit chacun s'enfuit. Il joue à chat, on le poursuit. La sonnerie de la récré est l'un des plus beaux bruits sur terre qui nous libère de la craie et nous permet de prendre l'air. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, c'est sûr. Dans la cour, je retrouve Bastien et ensemble, c'est l'aventure. Car lui et moi, on est copains. Devant la porte, c'est fait exprès, une marelle tracée à la craie par un CE de facétieux fait monter les gens jusqu'aux cieux. Tout le monde y passe en sautant, et au fond des poches on entend frotter les billes multicolores comme des soleils, comme des trésors. La sonnerie de la récré est l'un des plus beaux bruits sur terre qui nous libère de la craie et nous permet de prendre l'air. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, c'est sûr. Dans la cour, je retrouve Bastien et ensemble, c'est l'aventure. Car lui et moi, on est copains. Là-bas, contre un mur tout usé, des milliers de mains ont tapé. 1, 2, 3 soleils, c'est l'été, tu as bougé, éliminé. Mais ça ne fait rien en CM1, pour amuser tous les copains. On va voir les filles, c'est pratique, et on leur pique leur élastique. La sonnerie de la récré est l'un des plus beaux bruits sur terre qui nous libère de la craie et nous permet de prendre l'air. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, c'est sûr. Dans la cour, je retrouve Bastien et ensemble, c'est l'aventure. Car lui et moi, on est copains. On est ensemble en CM2, on joue au foot chaque fois qu'on peut. Mais c'est pas toujours très facile, car le ballon c'est imbécile. Va dans la rue se promener, et l'on se bat pour y aller. Le droit de sortir un instant, pour voir la récré autrement. La sonnerie de la récré est l'un des plus beaux bruits sur terre qui nous aventure, car lui et moi.